It's very good to see that people can come, take time away from their daily life to practice the meditation, to learn the practice that they don't know yet, or to renew or to continue the practice that they know. Donc il est très bon de voir que des personnes puissent prendre du temps dans leur, de leur vie quotidienne pour pratiquer, pour apprendre éventuellement une nouvelle pratique s'ils ne la connaissent pas encore, ou alors pour la poursuivre s'ils l'ont déjà entamée. Bien sûr, il est possible de pratiquer chez soi, mais il est bon de venir dans un endroit qui est spécialement conçu pour cela, c'est plus adapté. Il y a la quiétude qui peut aider, et il y a aussi le fait qu'on peut recevoir des instructions d'un professeur. Par ailleurs, le groupe, le fait de méditer en groupe, peut apporter un soutien à la pratique. Quel que soit le temps que vous allez consacrer, que ce soit quelques jours ou une semaine, ou peut-être plus encore, il faut savoir que si vous suivez les instructions, vous en retirez les bénéfices. Donc vous pouvez avoir confiance dans le fait que si vous pratiquez d'une façon régulière, en respectant donc les règles, vous réaliserez des progrès. L'enseignement du Bouddha se partage en trois grandes sections: la moralité, sila, la concentration, samadhi, et la sagesse, panya. Alors, sila, la moralité, c'est le contrôle des actions physiques et verbales, afin de ne pas nuire aux autres. Et c'est le fondement sur la base duquel on va pouvoir développer la concentration. Et la concentration, à son tour, sera le fondement sur la base duquel la sagesse, la compréhension vont se développer. Donc la première chose que nous allons faire à présent, c'est prendre les préceptes moraux. Il y a beaucoup de types de préceptes différents. Certaines personnes prennent 5 préceptes, d'autres 8, d'autres 9. Les moines et les nonnes en prennent encore plus. Mais donc le niveau minimum que nous devons garder, que nous devons observer, c'est 5 préceptes. C'est-à-dire ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas mentir et ne pas prendre des drogues ou des intoxicants qui obscurcissent l'esprit. Donc ces 5 méfaits: tuer, voler, commettre l'adultère, mentir, prendre des drogues et des intoxicants, nuisent aux autres et à nous-mêmes. À première vue, on peut avoir l'impression que prendre des drogues et des intoxicants ne nuit pas aux autres, mais cette action a pour effet de nous rendre incapables de distinguer ce qui est juste à faire de ce qui ne l'est pas. Donc ces 5 préceptes à observer, c'est le minimum indispensable pour pouvoir vivre en société. Maintenant, ici, nous sommes dans une retraite, et donc il est mieux d'observer 8 préceptes, et même 9 dans le cas de ce centre de méditation-ci, Sadamaran-ci. Donc, les 8 préceptes diffèrent un peu des 5 préceptes parce que certains de ces préceptes sont renforcés. Ainsi, ne pas commettre l'adultère devient n'avoir aucune activité sexuelle, que l'on soit marié ou non. Tant qu'on est à la retraite, on n'a aucune activité sexuelle. Et par ailleurs, il y a 3 nouveaux préceptes qui apparaissent. On limite le temps passé à manger, et on ne mange plus à partir de midi jusqu'à l'aube le lendemain. Et le but de ce précepte, c'est de disposer de plus de temps pour la pratique. Alors parfois, il y a certaines personnes qui grignotent malgré tout un peu quelques snacks l'après-midi, mais donc il faut essayer de maintenir les préceptes de façon pure. Ainsi, on aura un meilleur fondement pour la méditation, puisque la moralité, c'est le fondement de la pratique. Alors, un autre nouveau précepte, c'est éviter les distractions, les spectacles, éviter aussi de chercher à s'embellir ou de porter des bijoux. Donc par exemple, on évite d'aller voir des spectacles, d'écouter de la musique. Il est possible évidemment qu'on entende quelqu'un qui chante tout d'un coup. Dans ce cas-là, évidemment, on ne brise pas le précepte. C'est plus l'action volontaire, de, par exemple, d'allumer la radio ou d'écouter un CD qui doit être évité. Le troisième précepte qui est ajouté, c'est éviter les sièges trop confortables, trop luxueux ou trop élevés. Ces trois nouveaux préceptes, évidemment, si on ne les respecte pas, on ne nuit à personne, mais ils ont un but spécifique. Par exemple, ne pas manger après-midi, c'est pour disposer de plus de temps pour méditer. Et aussi, ne pas s'asseoir sur des sièges trop confortables ou trop luxueux, c'est parce que ce type d'action peut nous entraîner à avoir des activités avec d'autres personnes, comme par exemple dormir avec d'autres personnes. Et donc ici, on essaye de ne pas promouvoir les plaisirs sensuels, d'éviter les plaisirs sensuels. Évidemment, quand on retournera à notre vie quotidienne, on pourra reprendre toutes ces activités, mais dans le cadre d'une retraite, on essaye d'éviter les plaisirs sensuels. Le dernier précepte qu'on observe ici, et ça c'est spécifique à Sadamaramsi, entre autres, c'est cultiver un esprit de bienveillance à l'égard de tous les êtres. Un esprit d'amour bienveillant. Donc on vient de prendre refuge dans le Bouddha, la personne donc qui a découvert cette voie. Dans le Dhamma, c'est son enseignement, et dans le Sangha, c'est-à-dire la communauté de ceux qui pratiquent son enseignement. En fait, si on prend Sangha littéralement, techniquement, ça se limite à l'ordre des moines et des nonnes, et aussi à toutes les personnes qui ont réalisé la vérité, mais on peut l'élargir à toutes les personnes qui sont sur la voie. Maintenant, je vais dire quelques mots. Nous essayons ici d'utiliser notre esprit pour être conscient à la fois de l'esprit et du corps. Et une façon simple dont nous pouvons le faire, c'est de prêter attention aux postures. Alors maintenant, nous sommes assis, donc on peut placer son attention sur l'ensemble du corps, sur la posture assise, et puis faire une note mentale, parce que la note mentale peut aider à appliquer vraiment l'attention sur l'objet. Donc faire la note mentale assis, assis. On concentre son attention sur l'entièreté du corps et on essaye de voir le corps avec l'esprit, tout comme on verrait quelque chose avec les yeux. La même chose vaut pour la posture debout. Lorsqu'on sera debout, on essaiera de concentrer l'esprit sur l'entièreté du corps. Et en même temps qu'on concentre son esprit sur l'entièreté du corps, on fait une note mentale. Debout, debout. La même chose vaut pour la marche. Lorsqu'on se rend d'un endroit à l'autre, on porte son attention sur la jambe qui bouge. Et au même moment, on fait une note mentale. Faire un pas, ou bien marcher, marcher, en plaçant son attention sur la jambe qui bouge. Et lorsque nous irons nous coucher ce soir, lorsque nous serons couchés, c'est la même chose. Nous pouvons porter notre attention sur l'entièreté du corps et puis faire une note mentale. Coucher, coucher. Si par exemple vous n'avez encore jamais pratiqué la méditation, vous pourriez commencer avec ces simples instructions-là, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres instructions qui viennent. Simplement être conscient des quatre principales postures. Donc pour les autres qui savent déjà comment pratiquer, vous pouvez pratiquer comme vous le connaissez déjà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Sadhu, sadhu, sadhu.